Leçon 4, page 87. Écoutez ce débat sur l'identité. Yasmina. Étant donné mes origines et mon parcours, pour moi, l'identité, c'est un tout. C'est ce que mes parents m'ont transmis, plus ce que j'ai acquis par moi-même depuis que je suis née. C'est une continuité. Andrea. Contrairement à Yasmina, je pense que mon identité n'est pas liée à celle de mes parents. Par exemple, ils n'ont jamais quitté leur petite ville de province, d'où ma décision de bouger tout le temps. Je suis donc tout le contraire de ce qu'ils sont. En tout cas, je l'espère. Rachid. Ta réponse, Andrea, ne résout pas une question cruciale. Le monde va si vite aujourd'hui. Alors comment faire pour être à la fois fidèle à ses origines et tourné vers le monde actuel? Comment être à la fois connecté à des valeurs d'hier et en même temps complètement adapté à notre société hypermoderne? Mariella. La difficulté que tu décris, Rachid, c'est précisément ce qui explique que j'ai mis des années à concilier les 1000 facettes si différentes de mon identité. En tant que femme, mère célibataire, italienne vivant en France, fille d'une famille recomposée, vraiment, avoir plusieurs identités, c'est comme un puzzle jamais fini.